Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil.